total eclipse. Bonnie Tyler sur RGM, un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 8 juin 1940, naissance de Nancy Sinatra, chanteuse américaine, fille de Frank Sinatra, qui a interprété d'ailleurs une bande originale de James Bond. C'était le titre You Only Live Twice, dont on écoute tout de suite un petit extrait. And one for your dreams. You drift through the years, and life seems tame, till one dream appears, and love is its name. Voilà pour l'extrait donc de Nancy Sinatra. On continue. 1943, naissance de Colin Baker, acteur anglais connu pour avoir joué le rôle du sixième docteur dans la série culte Doctor Who entre 1984 et 1986. 1951, naissance de Bonnie Tyler, chanteuse britannique. 1955, naissance de Valérie Mérès, comédienne française, vue dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Banzai, les frères pétards, enfin veuve dans le rôle de Nicole, à la télé dans Weekend chez les Toqués, Profilage ou encore Scène de ménage. 1958, naissance de Kenan Ivory Wayans, réalisateur et acteur américain qui l'on doit Scary Movie 1 et 2 ou encore FBI Fausse Blonde Infiltrée et vu dans Ma Famille d'abord dans le rôle de l'oncle Ken. 1960, naissance d'Agnès Sora, l'actrice française, vue dans Un moment d'égarement dans le rôle de Françoise, Ciao Pantin dans le rôle de Lola, Australia, Homme-femme, mode d'emploi, L'Incruste, Les Brigades du Tigre, le film Salaud, on t'aime hein, de Claude Lelouch dans le rôle de Bianca, dans la série télé Joséphine Ange Gardien, Louis la Brocante, femme de loi, Camping Paradis, Sous le Soleil, Julie Lescaut ou encore Famille d'accueil. 1962, naissance de Nick Rhodes, musicien anglais du groupe Duran Duran. 1966, naissance de Juliana Margulies, actrice française, vue dans le film Les Truands, connue pour son rôle du docteur Carol Hathaway dans Urgence, vue dans Les Sopranos et connue également pour son rôle d'Alicia Florrick dans The Good Wife. 1976, naissance de Lindsay Davenport, ancienne joueuse de tennis américaine qui a fait carrière de 1993 à 2008. En simple, elle a été numéro 1 mondial en 1998. Elle a gagné une fois l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Elle a été demi-finaliste à Roland-Garros et en double, elle a été également numéro 1 mondial. C'était en 1997. Elle a gagné une fois Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Elle a été 6 fois finaliste à l'Open d'Australie. Aux Jeux Olympiques de 1996, elle a remporté une médaille d'or en simple. Elle a également remporté 3 Fed Cup en 1996, 99 et 2000, ainsi qu'une Hopman Cup en 2004. 1977, naissance de Kanye West, rappeur, producteur, designer américain. On écoute tout de suite un extrait de son titre Power. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the schools closed, the prisons open. We ain't got nothing to lose, everybody we rolling. Everybody we rolling. With some light skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man with Voilà pour l'extrait de Kanye West. On continue les anniversaires. 1981, naissance d'Alex Band, chanteur américain qui a fait partie du groupe The Calling avant de faire une carrière en solo. 1982, naissance de Nadia Petrova, ancienne joueuse de tennis russe qui a fait carrière de 1999 à 2014. En simple, elle a été numéro 3 mondiale en 2006, demi-finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. En double, elle a été également numéro 3 mondiale. C'était en 2005. Elle a été une fois finaliste à Roland-Garros et l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon. Et aux Jeux Olympiques, elle a remporté une médaille de bronze en double. C'était en 2012. Elle compte également une Fed Cup obtenue en 2007 et une Hopman Cup également remportée en 2007. 1983, naissance de Kim Clijsters, ancienne joueuse de tennis belge qui a fait carrière de 1997 à 2007 et de 2009 à 2012. Elle a été numéro 1 mondial en 2003. Elle a gagné 3 fois l'US Open, une fois l'Open d'Australie. Elle a été 2 fois finaliste à Roland-Garros et demi-finaliste à Wimbledon. En double, elle a été numéro 1 mondial en 2003. Elle a gagné 1 fois Roland-Garros, Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. Et elle a remporté une Fed Cup en 2001. 1984, naissance d'Andrea Casiraghi, prince de Monaco, fils aîné de la princesse Caroline IVe dans l'ordre de succession au trône de Monaco. C'est également l'année de naissance de Toré De Vito, actrice américaine, vue au cinéma dans Souviens-toi l'été dernier 3, connue pour son rôle de Carrie dans Les Frères Scott, celui de Melissa Hastings dans Pretty Little Liars, celui du docteur Meredith Fell dans The Vampire Diaries, celui de Maggie Hall dans American Wives et plus récemment son rôle du docteur Natalie Manning dans Chicago Med et Quand les séries se croisent, Chicago Police Department et Chicago Fire. 1989, naissance de Timea Bacinski, joueuse de tennis suisse professionnelle depuis 2004. En simple, meilleur classement, la 9e place atteinte en 2016. Demi-finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. Et à noter qu'en double, elle a été 8e de finaliste à l'US Open, 16e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Et aux Jeux Olympiques 2016, elle a remporté une médaille d'argent en double. 1997, naissance de Yelena Ostapenko, joueuse de tennis lettonne professionnelle depuis 2012. Meilleure place WTA, la 5e place atteinte le 19 mars dernier. Elle a gagné une fois Roland-Garros, on s'en souvient, c'était pas plus tard que l'année dernière, même si malheureusement là elle a déjà été éliminée. Quart de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. En 1795, décédé Louis XVII, duc de Normandie, dauphin de France, puis prince royal de 1791 à 1792. Et en 2017, on apprenait le décès de Glenn Headley, actrice américaine, vue dans la série télé Urgence dans le rôle du docteur Abby Keaton ou encore dans la série Monk dans le rôle de Karen Stottlemyre. Allez, petite pause musicale avec le groupe Duran Duran et leur titre Ordinary World. Turned on the light. of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Duran sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Alors, par endroit, il y a un petit peu de brouillard, hein, donc soyez tout de même vigilants. Sinon, pour l'instant, on a des éclaircies. La pluie devrait venir nous enquiquiner au cours de la journée. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 22 et 24 degrés cet après-midi. Pour ce week-end, ce sera plutôt mitigé, éclaircies, pluie. Pour samedi, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Et pour dimanche, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés prévues pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis, Roland-Garros, côté féminin, la qualification de Simona Halep en 2-7 face à Garbiñer Muguruza, 6-1, 6-4. Et Sloane Stephens s'est qualifiée en 2-7, 6-4, 6-4 face à sa compatriote Madison Keys. La finale samedi opposera donc Halep à Stephens. Côté messieurs, Rafael Nadal s'est qualifié en 4-7 face à Diego Schwartzman qui n'a pas démérité dans cette rencontre. 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. Et Juan Martín Del Potro s'est qualifié en 4-7 face à Marin Cilic, 7-6, 5-7, 6-3, 7-5. Les demi-finales, messieurs, vont être alléchantes. Cet après-midi, on commencera avec Dominic Thiem face à Marco Cecchinato. Dominic Thiem, qu'on dit, qui pourrait être le successeur de Rafael Nadal sur terre battue. Et l'Italien, Cecchinato, grande surprise de ce tournoi de Roland-Garros. Et la deuxième demi-finale opposera Rafael Nadal, le roi à Paris, face à donc Juan Martín Del Potro. Et côté tennis fauteuil, à noter que Stefano Dès s'est qualifié pour la demi-finale en simple. Et côté double messieurs, la paire Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut, eh bien, s'est qualifié pour la finale en 2-7, même si à un moment donné on a eu peur, hein, pour Nicolas Mahut qui a reçu le coup droit de Pierre Hugerbert direct dans l'oreille. Le pauvre, il a vraiment eu très très mal, mais voilà, au final, tout va bien, en tout cas il a pu finir cette rencontre, se qualifier pour la finale qui aura lieu samedi. Il va passer des examens pour voir si ce n'est pas grave. Allez, on va se rafraîchir un petit peu puisqu'on va parler hockey sur glace avec la finale des playoffs de NHL. Et cette nuit, l'équipe de Washington s'est imposée 4-3 face à l'équipe de Las Vegas. Washington remporte donc cette finale 4-1. À noter quand même la très bonne première saison, la saison exceptionnelle de cette toute nouvelle équipe, hein, de Las Vegas, hein, puisque je vous le rappelle que cette franchise n'existait pas avant l'été dernier. Donc voilà, très belle saison de Las Vegas et notamment de Pierre-Édouard Bellemare. Un mot de cyclisme avec le Dauphiné hier, la victoire de Julien Alaphilippe. Un mot de rugby avec les championnats du monde U20 et la France qui s'est qualifiée pour les demi-finales après avoir battu hier l'Afrique du Sud 46-29. La demi-finale aura lieu mardi et ce sera contre la Nouvelle-Zélande. Au programme de ce week-end, en basket, en NBA, cette nuit, ce sera le match numéro 4 des Golden State Warriors face à Cleveland. Golden State qui peut d'ores et déjà remporter cette finale cette nuit puisqu'il mène la série 3-0. En football, en match amical, ce sera d'ailleurs le dernier match amical pour l'équipe de France samedi soir face aux États-Unis. Dernier match avant de s'envoler pour la Russie dimanche. Et il y aura de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix du Canada. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Alex Band et son titre Only One. My eyes are painted red, the canvas of my soul is slowly breaking down again. Today I heard the news, the story's getting old. When will we see the end of the days we bleed for what we need to forgive, forget, move on? 'Cause we got one life to live, one life to give, one chance to keep from falling, one heart to break, one soul to take us, not forsake us, all in one, all in one. The writing's on the wall, those who came before left pictures frozen still in time. You say you want it all, but whose side you fighting for? I sit and wonder why. There are nights we sleep while others they weep, with regret we bend, be strong, 'cause we got one life to live, one life Alex Band sur RGM. Il est presque 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. De 9h à 9h30, il y aura un épisode de Ours et Carottes, de 10h à 10h30 un deuxième épisode d'Ours et Carottes, 14h rediffusion de J'aime et je vous le lis avec Dominique, 15h rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic, 18h l'heure des loups avec Lou qui nous va nous parler des sorties du week-end, 21h mosaïque avec François, et nous on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une excellente journée et un très très bon week-end. Bye bye.